Pas d'héritage pour les fils d'immigrés, c'est pourquoi on trime, pour que personne ne puisse accrocher ma dream team. Fichtre époque, triste, sinistre, on te fait pas de cadeaux. J'espère que tu enregistres, difficile de se frayer un chemin. Dans cette jungle urbaine, tous les chemins mènent à Rome. Faut savoir esquiver les heures de pointe, éviter de marcher sur leurs pieds. Y'en a qui pour moins que ça t'esquinte, y'en a qui font des scandales et t'affichent devant tout le monde pour insister, histoire de te faire comprendre que le monsieur n'est pas tout le monde. Pressé, suffisant, précieux, stressé, bref, il risque de se faire agresser. Eh, tout n'est pas comme derrière un PC, à fleur de peau, on ne mesure pas toujours les excès. Ceux auxquels on fait du tort et tous ceux qu'on écœure par la violence de nos sauts d'humeur. Eh, prends pas de jus, y'a pas de temps, pas besoin, ces chiens font tiens ça bien pour nous. Ou sinon, je sais pas pour toi, pour moi j'écris, je fournis jusqu'à ce que je sois cuit, je décris, j'y crois, retransmets tout ce que j'ai appris. Eh, prends pas de jus, y'a pas de temps, pas besoin, ces chiens font tiens ça bien pour nous. Ou sinon, je sais pas pour toi, pour moi j'écris, je fournis jusqu'à ce que je sois cuit, je décris, j'y crois, retransmets tout ce que j'ai appris. Je prends du plaisir en te regardant. Ce talent mis à contribution. Heureux de te savoir à ce point vivant. Si tu as besoin, je serai présent. Que ta volonté s'accomplisse, que tes projets se fassent, le travail paie et les ennemis sont comme suspendus. À ceux qui ont la langue bien pendue ou vendue, rien ne m'empêchera de faire mes affaires. J'ai les pieds sur terre, m'entends-tu? J'attends rien de personne, bien entendu. Dans la mesure du possible, j'expose mes points de vue. Je suis pas docile, pas dosé toi miss. J'ai mon propre domicile, mon sale caractère, mes concubines. J'ai rien d'un bourrin, ça fait des années que mes textes j'affine. Rapplique, m'applique, aiguise mon sens de la répartie. Mes répliques sont assassines. Eh, prends pas de chou, y'a pas de temps, pas besoin, ces chiens font tiens ça bien pour nous. Ou sinon, je sais pas pour toi, pour moi j'écris, je fournis jusqu'à ce que je sois cuit, je décris, j'y crois, retransmets tout ce que j'ai appris. Eh, prends pas de chou, y'a pas de temps, pas besoin, ces chiens font tiens ça bien pour nous. Ou sinon, je sais pas pour toi, pour moi j'écris, je fournis jusqu'à ce que je sois cuit, je décris, j'y crois, retransmets tout ce que j'ai appris. Que le soleil me rend translucide, que tu puisses me lire comme un livre. Je suis authentique comme ma joie de vivre. Plutôt que de subir, j'ai décidé d'être. Même si j'ai cette sensation étrange d'être perçu comme un extraterrestre. Je prends les fêtes et laisse entrer la lumière. Une autre dimension s'ouvre à moi. Enfin j'y vois plus clair, loin des reflets négatifs que me renvoient les médias. Ça pour l'instant présent et je pense à prendre du plaisir dans l'immédiat. C'est comme ça que ça se passe. Radmou, Scred Connex.